Les deux amis s'en allèrent à pied. Un vent d'est soufflait. Ils ne parlaient ni l'un ni l'autre. Des Lauriers regrettaient de n'avoir pas brillé devant le directeur d'un journal, et Frédéric s'enfonçait dans sa tristesse. Enfin, il dit que le bastringue lui avait paru stupide. À qui la faute? Si tu ne nous avais pas lâchés pour ton Arnoux, bah, tout ce que j'aurais pu faire eût été complètement inutile. Mais Leclerc avait des théories. Il suffisait pour obtenir les choses de les désirer fortement. Cependant, toi-même, tout à l'heure... Je m'en moquais bien, fit Delaurier, arrêtant net l'allusion. Est-ce que je vais m'empêtrer de femme? Et il déclama contre leur mièvrerie, leur sottise. Bref, elle lui déplaisait. Ne pose donc pas, dit Frédéric. Delaurier se tut. Puis tout à coup, veux-tu parier 100 francs que je fais la première qui passe? Oui, accepté. La première qui passa était une mendiante hideuse. Et ils désespéraient du hasard lorsque, au milieu de la rue de Rivoli, ils aperçurent une grande fille portant à la main un petit carton. Delaurier l'accosta sous les arcades. Elle inclina brusquement du côté des Tuileries et elle le prit bientôt par la place du carrousel. Elle jetait des regards de droite et de gauche. Elle courut après un fiacre. Delaurier la rattrapa. Il marchait près d'elle en lui parlant avec des gestes expressifs. Enfin, elle accepta son bras et ils continuèrent le long des quais. Puis, à la hauteur du Châtelet, pendant 20 minutes au moins, ils se promenèrent sur le trottoir, comme deux marins faisant leur quart. Mais, tout à coup, ils traversèrent le pont au change, le marché aux fleurs, le quai Napoléon. Frédéric entra derrière eux. Delaurier lui fit comprendre qu'il les gênerait. Il n'avait qu'à suivre son exemple. « Combien as-tu encore ?»« 2 pièces de 100 sous. »« C'est assez. Bonsoir. » Frédéric fut saisi par l'étonnement que l'on éprouve à voir une farce réussir. « Il se moque de moi, pensa-t-il. Si je remontais, Delaurier croirait peut-être qu'il lui enviait cet amour. Comme si je n'en avais pas un, et 100 fois plus rare, plus noble, plus fort. » Une espèce de colère le poussait. Il arriva devant la porte de Madame Arnoux.